Oh, l'anarchie, c'est vraiment toujours de l'exo. And RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien sur 90.7 qui est la fréquence FM pour les Bordelais et la région, et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde, que ce soit en France, même pour Bordeaux, ou en augmentant le périmètre sur Paris, sur la Belgique, sur l'Angleterre, avec Lovely Rita par exemple, et pourquoi pas jusqu'aux États-Unis avec Elon Silver ou Michael Honorato par exemple. On en parlera tout à l'heure. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est la saga des Fab Four numéro 247 qui démarre, et l'album de la semaine, c'est Pipes of Peace par Paul McCartney en 1983. On écoutera Say Say Say en duo avec Michael Jackson. Il y aura également The Other Me, il y aura Keep Undercover, Through Our Love, So Bad et Tug of War pour l'album de la semaine. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Et pour Ringo Starr, j'ai pu vous avoir en exclusivité trois morceaux du nouvel album Postcard from Paradise qui va sortir le 30 mars. J'ai déjà trois morceaux et ils sont bien, ces trois morceaux. On les écoutera tous. J'ai changé la playlist au dernier moment. J'ai changé hier, pas plus tard qu'hier, la playlist. Et donc, il y aura trois Ringo Starr extraits du nouvel album. Ce sera vraiment très très bien. Vous allez voir, vous allez entendre. Par exemple, pour Lennon, il y aura Whatever Gets You Through the Night de Walls and Bridges en 74. Pour Harrison, Don't Let Me Wait Too Long sur l'album Living in a Material World en 73. Pour Ringo Starr, Postcard from Paradise, extrait du même album, l'album Postcard from Paradise qui sortira le 30 mars. Et puis pour les Beatles, on commencera par exemple par Hey Jude. Voilà tout ce que vous fallait savoir. J'entends la fin du générique. Donc on va commencer par ce succès de 1983, Michael Jackson et Paul McCartney, et ce titre Say Say Say sur RIG. Bonne soirée à tous, on se rejoint sur Facebook et sur macaclub.com. 1983, souvenez-vous, le professeur Mick Jack, je crois, c'était quelque chose comme ça, ils étaient dans une carriole et ils proposaient une sorte de lotion qui permettait à n'importe qui de retrouver des forces et tout ça, et Michael Jackson faisait celui qui n'arrivait pas à marcher, etc. Et puis il buvait un petit peu de la lotion Mac Jack, ou Jack Mac, ou je sais pas quoi, et puis soudain il pouvait danser, tout allait bien, et puis voilà. Et en fait c'était détruant tous les deux, puisque c'était faux, évidemment, le coup de Lucky Luke, quoi, ça a déjà été fait chez Lucky Luke, ce truc-là. C'était en 1983, sur l'album Pipes of Peace. 9 ans auparavant, en 1974, John Lennon a perdu la foi. Il ne pense plus arriver à faire un numéro 1. Et il dit à Elton John, tiens, regarde, voilà les chansons que j'ai de Worlds and Bridges, est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse? Elton John lui dit oui. Whatever gets you through the night, et je vais t'aider à la jouer. Et puis si ça devient un numéro 1, tu viendras chanter avec moi sur un de mes concerts. C'est devenu un numéro 1. Il est allé chanter, il a tenu parole, John Lennon, il est allé chanter sur un concert d'Elton John, et c'est là qu'il a retrouvé la fameuse Yoko Ono dont il était séparé depuis un peu plus d'un an, et tout a fini bien, enfin, fini bien façon de parler, au moins jusqu'en 1980 pour John Lennon. Voici la chanson Whatever Gets You Through the Night sur RIG. Don't need a song. si on était l'été et si elle comprenait l'anglais, peut-être qu'on me dirait I miss you baby, so don't let me wait too long. Est-ce que ce serait pas un message caché? Je ne sais pas, c'était en tout cas une belle chanson de George Harrison, c'est-à-dire l'album Living in the Material World de 1973. Et donc, je découvre avec vous, parce que j'en ai découvert que quelques secondes, la nouvelle chanson du nouvel album de Ringo Starr, Postcard from Paradise. Dans cette chanson-là, il cite pas mal d'anciens titres des Beatles. On l'écoute ensemble, c'est en exclu Lulu sur RIG. I sat here, there and everywhere until I saw you standing there. Fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine. I'm getting better all the time. Begging you, don't pass me by. And if you do, please tell me why. I know you told me yesterday you've got to hide your love away. But if your heart is bad to me, it's only love I'll let. Like I said the night before, I love you when I'm 64. I love you. Postcard. Le batteur des Beatles est encore là, 74 ans, 75 ans même cette année, et il est encore très très bon. Postcards from Paradise, à sortir le 30 mars. Pour la chanson suivante, nous allons faire appel aux Beatles. Et déjà, lorsqu'on parle Beatles, immédiatement vient Lovely Rita. Lovely Rita qui dirige le Beatles Magazine à Londres. Et qui vous fait savoir 24 heures sur 24, 8 jours sur 7, 13 mois par an, tout ce qu'il faut savoir sur John, Paul, Ringo, George, les amis de ces gens-là, et également les animateurs qui font des émissions sur les Beatles, comme moi, votre serviteur, comme Michael Onorato, qui fait Beatles Tonight tous les lundis soirs de 10h à minuit, aux États-Unis, dans le New Jersey, et c'est à 4h du matin en France, le mardi matin, il faut se lever tôt. Et il y en a bien d'autres, il y en a dans tous les pays, et c'est absolument fabuleux de tout savoir grâce à Lovely Rita, merci à elle. Et donc, puisqu'on parle des Beatles, on parle de ce morceau qui dure 7 minutes et quelques. Paul McCartney a demandé aux ingénieurs du son combien de temps de chansons on peut mettre sur un 45 tours. 7 minutes et quelques, ok, je prends. Et il fait la moitié de la chanson avec des paroles et le reste en faisant na na na na na na na jusqu'au bout. Il occupe toute la plage et c'est un super morceau. Hey Jude sur RIG. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world up on your shoulders. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. Have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for some. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. Better. Au début, la chanson s'appelait Hey Julian, puisque elle était destinée au fils de John Lennon, Julian Lennon. Et puis, il a trouvé que Hey Jude, ça faisait plus joli. Et également, l'habitude chez Paul McCartney, je vous l'ai souvent dit, c'est de jeter des paroles comme ça et après d'affiner. Et par exemple, il avait dit The movement you need is on your shoulder. Et il avait dit à John Lennon, bon, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Et John Lennon lui avait dit, non, non, au contraire, je comprends parfaitement ce que tu dis, c'est génial, c'est très bien. C'est sûrement le plus beau vers de la chanson. Et comme quoi, il planait, John Lennon. Et puis comme quoi, ben voilà. C'est à chaque fois que Paul McCartney chante cette chanson, quand il dit « The movement you need is on your shoulder », il a une pensée pour John Lennon. Et c'est normal, parce qu'ils étaient vraiment très, très, très amis. Voici Paul McCartney, en 1983, sur l'album « Pipes of Peace », et il parle de l'autre lui, « The Other Me » sur RIG. « I know I was a crazy fool for treating you the way I did, but something took a hold of me and acted like a dustbin lid. I didn't give a second thought to what the consequence might be. I really wouldn't be surprised if you were trying to find another me. 'Cause the other me would rather be the glad one. The other me would rather play the fool. I wanna be the kind of me that doesn't let you down as a rule. I know it doesn't take a lot to have a little self-control, but every time that I forgot, well, I landed in another hole. But every time you pull me out, I find it harder not to see that we can build a better life if I can try to find the other me. Glad one, yeah, the other me rather play the fool. Said I wanna be the kind of me that doesn't let you down as a rule. But if I ever hurt you, well, you know that it's not real. It's not easy living by yourself. I wish that I could take it back. I'd like to make a different mood. And if you let me try again, I'll have a better attitude. I know that one and one makes two, and that's what I want us to be. If you'd help me find the other me. The other me would rather be the glad one. The other me would rather play the fool. But I wanna be the kind of me who doesn't let you down. Yeah. deuxième extrait du nouvel album de Ringo Starr. Voici Not Looking Back sur RIG. Memory after memory runs through my mind. You're still in every picture after all this time. Where will we go? Lovely Rita sur Facebook, The Romantic Side of Ringo. C'est sur RIG et c'est extrait de son nouvel album qui va sortir le 30 mars. Et l'album s'appelle Postcards from Paradise. La chanson suivante aurait dû sortir sur l'album Somewhere in England de 1981. Mais elle a été rejetée de l'album par les producteurs qui n'en voulaient pas. Et c'est un tort, c'est une très belle chanson. C'est George Harrison qui la chante, elle sortira en face B quelques années plus tard. C'est Lay His Head sur RIG. Strange to you sometimes. Who is it in here? You have often thought. But what can I tell you that you don't know already? Yes, even the times like this will roll. All that I have.

to. But now you're gonna fall friend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. If you want our love to last. Tout d'abord, et Slow Down à l'instant, qui sera repris avec brio par Johnny Hallyday sous le titre Dégage. Vraiment très très bon titre par Johnny Hallyday. Et vous savez que je sais tout ici sur RIG, mon ordinateur me dit tout. Mon ordinateur m'a dit que c'est l'anniversaire de la fille de Joël. Alors bon anniversaire. Allison de la part de toute l'équipe de la saga des Fab Four ici à Bordeaux. Et il y a le standardiste, il y a l'équipe de recherche pour les archives, il y a Pascal qui est à côté de moi, il y a la personne qui m'apporte le café régulièrement. Bref, tout le monde, on te souhaite un très très bon anniversaire. Voici l'album de la semaine et Keep Undercover sur RIG, Monsieur Paul McCartney. Love, I'm gonna pick you up in the morning. Love, I'm gonna take you out on a journey. I don't know where I'm going to, but I know what I've been going through without you by my side. J'adore l'effet de basse sur ce titre-là et je vous assure que je m'y attendais. J'avais le doigt sur le potentiomètre pour essayer de baisser le son. Lorsqu'on entend les deux trucs tout comme ça, les potentiomètres sont montés dans le rouge et j'ai réussi après à rattraper le coup. Mais c'est trop drôle et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce titre-là. Voici George Harrison, si vous le voulez bien. De toute façon, vous savez que vous n'avez pas le choix puisque c'est moi qui dirige la saga depuis Bordeaux, depuis mon ordinateur, avec ce titre, Let It Down, sur l'album All Things Must Pass en 1970. time. And I do wasting away these moments so heavily. Should someone be looking at me? So sweetly and divine, I can feel you here. See your eyes are busy missing mine. And I do down in the city. I'm going John Lennon était profondément envoûté par l'Amérique, qui était après tout le berceau du rock'n'roll, et Mid-City, que l'on vient d'entendre, capture parfaitement cette fascination. La chanson commença à prendre forme dès qu'il eut emménagé à New York. Mid-City fut d'abord un simple boogie intitulé Shoeshine, mais cette modeste célébration de la musique qu'il adorait grandit bientôt pour devenir un compte-rendu enthousiaste de son pèlerinage. Je suis allé sur la montagne et j'ai vu. Dans l'esprit de John, sa véritable naissance remontait à sa découverte d'Elvis Presley et de Chuck Berry. L'Amérique était l'endroit où il aurait dû naître et son destin voulait qu'il vécût dans ce pays. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Retrouvons John Lennon avec les Beatles avec deux chansons, Rain d'abord et A Day in the Life juste après sur RIG. Animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. but he was really sure he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you morceau. Je pourrais vous le laisser jusqu'au bout, mais on va finir par être en retard si je vous laisse jusqu'au bout. Deux chansons dessus. La principale, c'est John Lennon. Et puis, Woke up, fell out of bed, drive a comb across my head. Ça, c'est Paul McCartney. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est extrait, bien entendu, de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band sur RIG. On retrouve Paul McCartney avec un nouveau titre de l'album de la semaine. Le titre du morceau, c'est Through Our Love. Hello, this is Paul McCartney. Bah oui. We wasted time and again on things we already knew. On to do, I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. can go through our love. We can do things that they said were impossible. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est la chanson qui a été reprise par quelqu'un, ou même par les Beatles, s'il s'agit par exemple de Chuck Berry ou de Little Richard. Du moment que John, Paul, Ringo ou George ont chanté cette chanson, et si quelqu'un la reprend, eh bien c'est la cover. Voici la cover de Cold Turkey par Lenny Kravitz sur RIG. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. L'album Rock'n'Roll, sorti en 1975, Bring It On Home To Me, Send Me Some Loving. Yes, Send Me Some Loving. C'était John Lennon sur RIG dans la saga des Fab Four. Voici Monsieur Paul McCartney avec une version à rallonge. Je vous laisse la découvrir. Thank you. Ok, c'est la première fois que je chante cette chanson à Paris, la plus belle ville du monde. Après Liverpool. Et Bordeaux d'abord. Yeah. rules in those days. Okay. À la fin de I'll Follow the Sun, McCartney dit on écrivait des chansons très courtes en ces temps-là. Et depuis, ça a quand même beaucoup changé. On revient à l'album de la semaine, Matchbox aussi, avec les Beatles et Ringo Starr à l'instant. Et on revient à l'album de la semaine, l'album étant Pipes of Peace. Et le titre du morceau, c'est So Bad sur RIG. C'est Linda qui a suggéré à Paul de chanter en falsetto, en très haute voix. If you leave, la chanson à bisous, commente Pascal sur Facebook, c'est vrai. Voilà, c'est fait pour les filles, bien sûr. Maintenant, c'est le troisième et dernier extrait, parce que je n'ai pas plus pour l'instant du nouvel album de Ringo Starr. Le titre du morceau que je découvre en même temps que vous, Right Side of the Road sur RIG, extrait l'album Postcards from Paradise. What you doing? It's not what you do. The only one you're fooling isn't me, it's you. Didn't I try to tell you? You're carrying a much too heavy load. Right side of the wrong side of the road. Heading for disaster, something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side of the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. Ask anybody who knows me. I believe you can do it too. Too lost to be found. Maybe choose another direction. You got so many ways to go. Try it on the right side of the right side of the road. Try it on the right side, on the right side of the road. north of England way. In the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. So won't you please come home, come, come back to me, honey pie. Le côté style caméléon, c'est capable de tout faire de McCartney, j'adore. On se dépêche parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure, il faut vraiment y aller très très vite. John Lennon, Oh My Love sur RIG. Life, oh, I feel loved. Everything is clear in our world. C'est marrant parce que Pascal dit « J'ai toujours eu du mal avec cette chanson », alors que moi, justement, j'aime le côté caméléon de McCartney, capable de d'être à l'aise dans n'importe quel style de chanson, capable de se mettre en danger dans n'importe quel album, toujours un moment où il fait un truc qui est à l'inverse de ce qu'on attend de lui. Et cette chanson-là, Tug of Peace, ben pour moi, c'est ça. Allez, on se dépêche. That's which I have lost. George Harrison sur RG. Fighting the forces of the darkness, limitation, falsehood, immortality, which bore him the way back into the higher world. While his whole being is bewildered, he does not know. No thought of action, taking refuge inside himself and insane. I need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from in me. And give me that which I have lost. His all had seemed lost, a light from heaven breaking. It flashed in wood illumination, enriched his life more than any words could tell.

c'est ainsi que se termine cette 247e édition de la saga des Fab Four. Merci à vous tous et toutes. Parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, c'est ici sur RIG, sur 90.7 pour la région bordelaise et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Have a nice night, see you next time. Au revoir, à bientôt. Je vous laisse en compagnie d'Eric et qui va tout vous raconter de A à Z sur Johnny. Salut.